Oui, c'est Eric. C'est une chanson qui était liée au monde paysan en particulier, à tous ceux qui traînent avec Tibet, quand il y a de la petite boule maintenant au Biscayen. Je la dédie cette chanson. Thank you.